France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Marilyn Monroe chute et mort de la femme éternelle. Dans la nuit du 4 au 5 août, à Los Angeles, l'actrice star d'Hollywood succombe à une overdose de barbiturique. Elle a 36 ans. Les États-Unis se réveillent sidérés. C'est impossible, une icône ne meurt pas. Et pourtant, la photo de la chambre, du lit où elle a été retrouvée, gisante, un téléphone encore en main, noircissent bel et bien les unes des journaux du monde entier. Mais derrière la créature qu'elle s'était forgée, construite, sous les boucles platines et les yeux de biche, l'héroïne de certains mêmes shows était bien plus qu'une ravissante idiote, comme certains l'ont bêtement baptisée. Non, bourreau de travail. Elle enchaînait les tournages, prenait des cours de théâtre, assurait les parties chantées de ses films. Le destin de Marilyn Monroe, c'est celui d'une femme talentueuse et militante dans une industrie du cinéma gangrénée par les violences patriarcales. Il suffit pour le comprendre de se plonger dans les derniers mois de sa vie. Notre invité aujourd'hui, nos invités, elles sont deux, Raphaël Bayot et Céline Chassé, réalisatrices du documentaire Marilyn, femme d'aujourd'hui, diffusé en 2022 sur France 2. Affaires sensibles, une mission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Et j'en viens ainsi à une nouvelle navrante qui nous a frappés de stupeur cet après-midi. Une des femmes les plus belles du monde, une des plus adulées, Marilyn Monroe, s'est suicidée dans sa somptueuse demeure de Los Angeles. Mais comment cela est-il arrivé? À vous, Jacques Salbert. C'est par la radio ce matin que les Américains ont appris avec stupeur le suicide de Marilyn Monroe. C'est vers 7h, heure d'Hollywood, que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tous les États-Unis. Marilyn Monroe, l'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années, avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique. Marilyn Monroe, les spectateurs français l'avaient découverte en voyant un film qui s'appelait Niagara, en voyant cette jeune vamp blonde, le corps dessiné par une robe mouillée par la pluie, et on s'était dit, voilà, une des plus belles, une des plus ravissantes filles que nous ait exportées Hollywood. 5 août 1962, 10h30 du matin. Dehors, la chaleur étouffante de l'été à Los Angeles. Dedans, le froid d'une salle sans fenêtre, au sous-sol du palais de justice. Ils sont trois autour de la table. Le docteur Thomas Noguchi, son assistant Eddie Day et John Miner, le procureur de la ville. Trois types alignés, trois hommes angoissés à l'idée de soulever la bâche en plastique qu'ils vont devoir soulever. La dépouille vient d'être extraite de l'étagère coulissante du casier en inox numéro 33 de la morgue du palais de justice. Noguchi ajuste ses lunettes et ses gants. Le jeune légiste s'en concentre. Il sait qu'il s'apprête à examiner et donc à endommager l'un des corps les plus célèbres du monde, l'un des plus désirés également. Il retire enfin le drap en plastique. Un frottement synthétique déchire le silence. Sur le petit pied blanc qui dépasse, on avait accroché une étiquette portant le numéro 81128. Nom de la défunte, Norma Jean Baker. Nom de scène, Marilyn Monroe, âge 36 ans. Il est 10h30 passé, Noguchi s'approche, l'autopsie commence. Le corps non embaumé est celui d'une femme de 36 ans, de type caucasien, normalement développée, bien nourrie, pesant 53 kilos et mesurant 1m66. Les cheveux sont blonds décolorés, les yeux sont bleus. Prélèvement. Du sang non embaumé est prélevé en vue d'une analyse de la quantité d'alcool et de barbiturique qu'il contient. Les contenus du foie, des reins et de l'estomac, ainsi que l'urine et le contenu de l'estomac, subiront une analyse toxicologique ultérieure. La photo post-mortem ajoutée au dossier de police est désarmante. Sur le cliché en noir et blanc, l'héroïne des hommes préfère les blondes à le visage flasque. Elle porte les stigmates de l'ablation du cerveau nécessaire pour déterminer les causes de sa mort. Sa chevelure est plate, raide, la bouche est gercée, entr'ouverte, méconnaissable. Éteinte sans ses boucles et ses lèvres rouges, sans son enveloppe glamour, Marilyn Monroe redevient Norma Jean pour l'éternité. Le corps est lavé à grande eau. Le lundi 6 août à l'aube, c'est au tour du toxicologue de mener son expertise. Dans son laboratoire, il analyse une série d'éléments matériels. Des flacons de médicaments retrouvés sur la table de nuit de Marilyn, ainsi que des prélèvements de son sang, de son foie, de ses intestins, de son urine. L'expert remarque la présence en surdose de Nimbutal, un barbiturique qu'elle utilisait comme somnifère. Son corps en contient environ 10 fois plus que la dose thérapeutique normale. Mais aucune trace d'alcool. Alors qu'elle en raffolait, le jour de sa mort, l'actrice n'a pas bu de champagne. Le 10 août 62, le docteur Noguchi remet son rapport d'autopsie finale et évoque une forte intoxication barbiturique due à l'ingestion d'une surdose. Dans la rubrique « type de mort », il écrit le terme « suicide » qu'il affuble d'un « probable », donc « suicide probable ». 8 jours plus tard, le 18 août 1962, Théodore Kerfey, médecin légiste, annonce en conférence de presse les conclusions d'autopsie. Dans notre enquête, nous avons appris que Miss Monroe a souvent voulu abandonner, se retirer et même mourir. À plus d'une occasion dans le passé, alors qu'elle était déçue et déprimée, elle avait fait une tentative de suicide en utilisant des sédatifs. À ces occasions, elle a appelé à l'aide et a été secourue. D'après les informations recueillies au soir du 4 août, il nous semble que le même schéma s'est répété, sauf pour le sauvetage. Ma conclusion, c'est que la mort de Marilyn Monroe a été causée par l'auto-administration d'une surdose de sédatifs et que le motif de la mort est probablement le suicide. Le rapport de toxicologie finale, selon lequel les barbituriques précédemment signalés ont une dose létale, a été positivement identifié comme Nimbutal par le toxicologue. Clap de fin. Marilyn Monroe aurait succombé à une overdose de barbiturique. Ultime appel à l'aide non entendu. Bien au-delà des frontières des États-Unis, le monde frémit. La presse s'emballe, les fans s'affolent. Comment expliquer la mort si soudaine d'une déesse? Comment envisager qu'à 36 ans, pleine de vie, celle qui avait tout a mis fin volontairement à ses jours? Ça ne peut pas s'éteindre, une étoile. Si Marilyn Monroe a bien succombé à une overdose, des indices qui présageaient sa chute ont essaimé pendant les derniers mois de sa vie. Et des hommes violents aussi. Alors, que s'est-il passé pendant les derniers jours de Marilyn Monroe? Janvier 1962, changement de décor. Cet hiver-là, et c'est assez rare pour le noter, il neige à Los Angeles. Marilyn vient de s'acheter pour la première fois une maison pour elle seule. La villa de plein pied se situe à Brentwood, quartier paisible et cossu dans le West Side, à 12305 Fifth Helena Drive. Son ex-mari, la star retraitée du baseball, Joe DiMaggio, a payé une partie de l'apport personnel pour le crédit. Lui, elle l'a épousé en janvier 54. Le couple de stars a divorcé en octobre de la même année. Cette véritable armoire à glace au visage taillé à la serpe était un joueur légendaire de baseball. Mais dans les chambres d'hôtel calfeutrées, il faisait pleuvoir d'autres coups sur le corps bleuï de Marilyn. Plus marié avec elle, mais toujours là, il oscille entre violence et grands gestes pour implorer le pardon de son ex-femme qui traverse une nouvelle phase de dépression. DiMaggio est bel et bien l'un des bourreaux de la crise. Cachée au fond d'une impasse, en angle, les murs crèment, la villa ne paye pas de mine quand on sait qui en est la propriétaire. Une dépendance pour les amis reliée à la maison principale, par un solarium avec piscine en dalles et argile. En fait, Marilyn n'a jamais eu de chez elle. Elle est passée des foyers aux locations à bas prix, puis aux grands hôtels. Alors, l'ameublement est sommaire. Quelques chaises dans le salon, un matelas, même le sol dans la chambre, des rideaux épais. Seuls objets précieux, ces deux téléphones. Un rose pour les appels lambda, un blanc pour les privilégiés, comprenez les proches ou les amants. Chacun doté d'un fil interminable, permettant à la jeune femme de poursuivre ses conversations, pieds nus sur la moquette épaisse, dans n'importe quelle pièce, à l'abri des oreilles indiscrètes. L'autre chambre, c'est celle d'Eunice Murray, sa gouvernante, une ancienne infirmière psychiatrique aux allures de veillante rassurante, ses lunettes papillons éternellement sur le nez. Elle a été placée aux côtés de Marilyn par le docteur Ralph Grissom, le psychiatre de l'actrice. Chargée de l'accompagner partout, elle sera les yeux d'un Grissom inquiet pour sa patiente. Et il y a de quoi, Marilyn s'autodétruit à petit feu. Après une tentative de suicide sur le tournage des Désaxés au printemps 1960, quelques mois plus tard, on l'envoie à l'hôpital Payne Whitney de New York. Alors qu'elle pensait partir en cure de repos, elle est escortée dans une cellule capitonnée. Elle passe 4 jours dans cet institut psychiatrique cauchemardesque. Elle est ensuite transférée 3 semaines à l'hôpital Columbia Presbyterian, un séjour douloureux qu'elle raconte dans une lettre à son psychiatre, Ralph Grissom. Le 2 mars 1961. Je reconnais que j'ai poussé la métaphore un peu loin. Mais j'ai piqué cette idée dans « Troublez-moi ce soir », un film dans lequel j'ai tourné il y a longtemps. J'ai pris une chaise, pas trop lourde, et je l'ai balancée volontairement contre la vitre. Ça n'était pas facile parce que je n'ai jamais rien cassé de ma vie. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un petit morceau de verre brisé. Ensuite, j'ai caché le bout de verre dans ma main et je me suis assise tranquillement sur le lit en attendant qu'ils arrivent. Ils sont arrivés et je leur ai dit que s'ils me traitaient comme une folle, j'agirais comme une folle. J'avoue que la suite est grotesque. Je leur ai fait comprendre que j'allais me taillader les veines s'ils ne me laissaient pas sortir. Ce que je n'aurais jamais fait, car comme vous le savez, Dr. Grissom, je suis une actrice et je ne m'infligerai jamais volontairement ni marques ni blessures. Je suis bien trop vaniteuse pour cela. Rappelez-vous, quand j'ai essayé d'en finir, j'ai fait cela très soigneusement, avec 10 comprimés que j'ai avalés avec soulagement. En mars 1961, elle sort de l'hôpital. Sous une nuée de flashs de photographes, brushing impeccable, rose blanche en satin, Marilyn affirme au reporter qu'elle se sent beaucoup mieux. Voilà 2 ans que Marilyn consulte le psychiatre d'Hollywood. La cinquantaine, marxiste et freudien, cheveux grisonnants et moustaches, Ralph Grissom accompagne bon nombre d'acteurs. C'est lui qui a conseillé à Marilyn de s'acheter la petite maison de Brentwood, de se créer un foyer à seulement quelques kilomètres de chez lui. Elle doit rester dans son giron. Les consultations commencent au début de l'année 60. Elles sont censées avoir lieu dans le cabinet du médecin à Beverly Hills. Mais quand les angoisses de Marilyn la terrassent, incapable de bouger, se noyant dans l'alcool, Grissom se déplace chez elle, en voisin donc. Peu à peu, la relation psychiatre-patiente se mue en un transfert démesuré. Elle l'appelle plusieurs fois par jour, quitte à le harceler. Marilyn s'invite chez les Grissom, dîne avec l'épouse du psy dans leur villa au style colonial, se lie d'amitié avec leur fille et dort parfois sur place. La déontologie médicale n'existe plus. Marilyn retrouve le père qu'elle n'a jamais connu. Grissom prend de plus en plus le contrôle de sa vie, garde un œil sur ses fréquentations et ne cesse de lui renouveler ses ordonnances de barbiturie qui la tue à petit feu. En vérité, c'est une codépendance qui s'installe. Dans le secret des consultations avec Grissom, Marilyn raconte sans doute la petite Norma Jean Baker, née en 1926, son enfance cabossée, de celle qui durcit le cuir. Sa mère, Gladys Baker, a papillonné autour d'Hollywood sans jamais réussir à passer à l'écran. Elle a fini derrière les grilles du sanatorium de Rock Haven, un institut psychiatrique non loin d'ici, à Los Angeles. Sans père, sans mère, avec une grand-mère atteinte de démence, Norma Jean écume les foyers, les familles d'accueil, trimballée de bras en bras, de tuteurs violents en prédateurs sexuels. En pleine Seconde Guerre mondiale, alors que les femmes fournissent l'effort à l'arrière, un photographe la repère pendant qu'elle emballe des parachutes dans l'usine de Radioplane. Norma Jean devient modèle photo. Mais son rêve, c'est Hollywood. Alors, elle se construit cette peau, ce personnage de Marilyn Monroe. Elle se teint les cheveux dans un blond presque surnaturel, retouche son nez. Adieu Norma Jean. Elle signe avec la Fox qui la mettra à la porte pour finalement la reprendre. C'est ça, le cinéma d'Hollywood dans les années 50. Une poignée d'hommes qui détient le pouvoir sur tous les studios. Une poignée de prédateurs aussi. Specialist star. Van Cliburn. Caused us a hype. While we were blushing, some Russian gave him a prize. I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. Et tout s'enchaîne. En 1953, la légende Marilyn se met en marche. Exit la figurante. Elle décroche le premier rôle dans Niagara de Henry Hathaway. Mais c'est avec Les hommes préfèrent les blondes ou Hawks qu'elle est sacrée. Vient ensuite le fameux 7 ans de réflexion de Billy Wilder et la fameuse scène sur la bouche de métro qui lui vaut les coups de Joe DiMaggio, jaloux. Son malheur est bien là. Les violences patriarcales scandent la vie de Marilyn, la grignotent toujours un peu plus alors que sa notoriété enfle. Et que les traumatismes perdurent. I wanna be loved by you. The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop. Ce succès, elle le sait fragile, et elle en souffre. En témoigne cette interview du 12 juin 1955 pour la NBC, 6 ans avant la fatale année 1962, et la fragilité est déjà là. Être au sommet n'est pas tellement important. What I'd like to do. Mais ce que je veux faire. Ce que je veux accomplir, c'est être une bonne actrice. Et ça n'a rien à voir d'être au top. Je pense que certains des meilleurs acteurs et actrices ne sont pas au sommet, donc ça ne compte pas. Est-ce que l'anonymat vous manque, le fait de ne plus pouvoir sortir et... Je vais vous dire. Ça me manque dans un sens, mais je suis très reconnaissante parce que je me souviens d'une époque où ce n'était pas comme ça. Mais ça vous manque parfois d'avoir la possibilité d'être complètement vous-même à certains endroits. Et les gens vous connaissent juste comme un autre être humain. If you listen, you can hear it call. Whalery. Whalery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful, and sometimes. Gone forever down the river. France Inter, Affaires sensibles. Aujourd'hui, la chute et la mort de Marilyn Monroe. Sur un fil au début des années 60, la comédienne vogue entre les bras de deux hommes désormais et pas des plus anonymes, les frères Kennedy. Les premières rencontres avec John, sénateur à l'époque, auraient eu lieu à Malibu dès 1957. Le décor, la très chic villa en bord de mer de Patricia, l'une des sœurs Kennedy et de son mari, Peter Lawford. Coupe de champagne, éclat de rire recouvert par le son des vagues. Mais derrière ces soirées mondaines se cache une véritable zone de chasse pour hommes mariés. Parmi eux, John Kennedy, surnommé Jack, flairant chaque effluve de parfum féminin. Parce que chez les Kennedy, on expose fièrement ses proies. JFK le confie lui-même à une ambassadrice. « Mon père disait à tous ses garçons de s'envoyer en l'air aussi souvent que possible. » Message reçu 5 sur 5. Le moins que l'on puisse dire, c'est que John a suivi les ordres du patriarche. Une crapule, ce Joe Kennedy au parcours sulfureux, entre yeux doux au nazisme et compromission présumée avec la mafia. Le 20 janvier 61, John Kennedy devient le 35e président des États-Unis d'Amérique. Son frère Robert devient procureur général du pays, attorney général, l'équivalent de notre garde des Sceaux et, pour tout dire, vice-président officieux. À son exact opposé, Bob ou Bobby porte le puritanisme en étendard. Avant qu'il ne croise le grain de beauté et la bouche rouge de Marilyn, la réputation de cet incorruptible en amour était intacte. À 36 ans, il est marié depuis 12 ans. À la tête d'une famille de 7 enfants, il a même été sacré père de l'année. Or, les gratte-papiers des feuilles de chou hollywoodiennes subodorent que Marilyn se console entre les bras du petit frère quand l'aîné n'est pas disponible. Mais les contours du triangle amoureux restent flous. Pendant ses dîners mondains, bon élève, on dit que Marilyn prend des notes pour alimenter ses connaissances en politique et avoir un minimum de répondants lors de ses rendez-vous galants avec chacun des frères Kennedy. Depuis sa maison de Brentwood, elle aurait même eu droit à une ligne directe avec le bureau ovale. Mais le trio joue avec le feu. Les Kennedy ont des ennemis et parmi eux, Jimmy Hoffa, qui dirige le puissant syndicat des camionneurs. Cet homme trapu au sourire carnassier est empêtré dans toutes les affaires mafieuses possibles. Ses réseaux sont tentaculaires. En devenant ministre de la Justice, Robert Kennedy fait de la lutte contre la mafia son combat numéro 1. Et Hoffa devient sa cible, il ne le lâche pas. Pour répliquer, le syndicaliste aurait demandé à Steve Otash, un détective privé de renom, de révéler au grand jour l'idylle de John et Bobby Kennedy avec Marilyn Monroe. Dans un article paru en mars 2022 dans Vanity Fair, le journaliste Anthony Summers, infatigable enquêteur sur la mort de la comédienne, raconte. Un ancien agent de sécurité employé par Freddy Otash, John Danoff, a joué un rôle clé dans l'opération. L'équipe, a-t-il dit, a réussi à câbler les chambres et les téléphones, non seulement de la maison de plage des Lawford, mais aussi celle du logement que Marilyn a utilisé jusqu'au dernier mois de sa vie lorsqu'elle a acheté sa propre maison. Stationné dans un véhicule garé non loin de la maison des Lawford, Danoff surveillait l'équipement d'enregistrement captant les transmissions. Et aux alentours de Thanksgiving 1961, se souvient-il, il a localisé le signal le plus fort à environ 500 mètres de la maison. Au début, il n'entendit qu'une conversation décousue, puis, à mon grand étonnement, j'ai commencé à reconnaître les voix, à cause de l'accent bostonien distinct du président et de celui de Marilyn Monroe. Ensuite, vous les entendez parler, se déshabiller, pour se livrer à l'acte sexuel sur le lit. Mais il n'y a pas que les mafieux qui, dès 1961, se préoccupent de la liaison entre la star de Hollywood et les frères Kennedy. Quelque part, entre la 9e et la 10e rue, dans le nord-ouest de Washington, voici le bunker qui sert de siège au Bureau fédéral d'investigation, le FBI. Dans son bureau, le patron Edgar Hoover éructe. Cet homme dont nous avons souvent parlé dans Affaires sensibles parce qu'il est dans tous les mauvais coups, n'a qu'une obsession, lutter contre l'épidémie communiste. Redouté et redoutable, maniaque, Hoover terrifie. à la tête du FBI depuis 1935, il a toujours entretenu des relations plus que cordiales avec les différents présidents des États-Unis et les politiques en général. Mais les Kennedy, non, pas eux. Ils représentent tout ce qu'ils détestent. La gauche américaine, le talent et, forcément, les relations sont tendues. Bobby, par exemple, lui reproche de ne pas mener une guerre assez vive contre la mafia et surtout, lorsqu'il le convoque au ministère, il le traite comme un laquais, genre, même pas peur de vous. Mais Hoover le sait. Les Kennedy entretiennent chacun une amourette avec l'actrice Marilyn Monroe. Imaginez les deux hommes les plus puissants du pays faire la cour à la starlette et si sous l'oreiller, ils lui livraient des informations secret défense. Rappelons-le, au début des années 60, nous sommes en pleine guerre froide. Aux États-Unis, toute sympathie pour la gauche peut être perçue comme une trahison. Alors, c'est la chasse aux rouges, surtout s'ils sont aux portes de l'Amérique. Fidel Castro, bien sûr, qui a mis en place un régime communiste à Cuba, à une centaine de kilomètres des côtes de la Floride. Le 3 janvier 61, les relations diplomatiques sont rompues entre les États-Unis et l'île anciennement sous sa coupe. Quelques mois à peine après sa prise de fonction, le 16 avril 61, la tentative américaine de débarquement anticastriste dans la baie de Cocho est un échec cuisant pour les Kennedy, traumatisant même. De son côté, l'URSS arme les Cubains jusqu'aux dents. C'est ça la guerre froide. Les deux grands se battent par pays du tiers-monde interposé, un monde cyniquement plus sécurisé que celui qui a succédé à la chute du communisme, finalement. En tout cas, Hoover rumine sa vengeance et son outil s'appelle Marilyn. N'est-elle pas allée au Mexique traînasser avec des Américains pro-Castro qui ont fui le pays? Et si elle allait raconter aux proches du chef révolutionnaire que les USA sont en plein essai nucléaire? Et sur le divan de son psy, ce marxiste de Ralph Grissom, que dit la maîtresse des Kennedy? Que révèle-t-elle? La voilà dans la peau de la femme qui en savait trop. De toute façon, elle est surveillée depuis longtemps par le FBI. Son ex-mari, le scénariste Arthur Miller, était d'ailleurs soupçonné de sympathie communiste. D'autres parmi ses proches également. Nom de son dossier, Marilyn Monroe SM pour menace sécurité communiste. Le 19 mai 62, c'est la goutte de trop. Alors que Marilyn est censée être en plein tournage, elle file en douce direction Madison Square Garden pour le gala des 45 ans du président des États-Unis. Sur scène, c'est le beau-frère de Kennedy, Peter Lawford, qui la présente et qui fait allusion au retard fréquent de Marilyn Monroe. She has been known to be late. However, Mr. President, on this occasion of your birthday, this lovely lady is not only punctilious but punctual. Mr. President, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Devant un public de 15 000 personnes, corsetée dans une robe en soie de 2500 strass, Marilyn, ivre, peine à marcher avant d'arriver au micro et d'enlever son manteau de fourrure, elle chavire. Derrière la chanson d'anniversaire traditionnelle, elle s'offre, ultra-sexualisée au président, plongée dans ses yeux alors que sa femme Jackie est absente. Elle avait répété pendant des jours et bu quelques verres en loge pour se donner du courage. Trop de verres. De cette soirée reste la seule photo existante du président Kennedy et de son frère aux côtés de l'actrice. Et depuis ce 19 mai 62, tout le monde le sait, et Hoover panique. Cette relation contre nature entre le président et la star d'Hollywood doit cesser. D'ailleurs, Johnny met fin et Bobby prend ses distances. Autrement dit, on consomme et on jette. Marilyn s'enfonce dans les méandres de la dépression. La comédienne essaye de travailler tant bien que mal. Depuis avril, elle tourne dans « Quelque chose doit craquer », le dernier film de George Cukor, scénariste d'Autant l'emporte le vent et réalisateur du milliardaire en 1960, où Marilyn tenait déjà l'affiche, avec Yves Montand, qui lui aussi a vu la couleur de ses draps. Encore une relation sulfureuse, mon temps était déjà avec Signoret. Face caméra, dans sa robe blanche à fleurs, le maquillage impeccable, Marilyn est rayonnante. Mais dès que la scène est coupée, bourrée d'amphétamines, elle enchaîne les crises de larmes, ne se souvient plus de sa réplique, s'évanouit. Elle cherche du réconfort chez Bobby Kennedy, qui n'a que quelques rendez-vous sporadiques à lui offrir. Son psychiatre, le fameux docteur Ralph Grissom, est absent. En déplacement en Europe, il tente de l'aider tout de même, mais au téléphone, et en vain. Finalement, elle ne tournera que 7 jours. C'est dans cet état de mal-être extrême qu'elle fête ses 36 ans, entourée de l'équipe du film. Avec ses crises et ses absences, la reine du glamour engloutit le budget du film de Cukor, qui ne sera jamais achevé. La Fox en vient même à casser son contrat. Mais combative, elle renégocie, et le mastodonte d'Hollywood signe à nouveau avec elle. D'ailleurs, quelques moments de grâce subsistent de ce film inachevé. Comme ses prises, jamais diffusées et non doublées d'une Marilyn enfantine, barbotant quasi nue dans une piscine. 501. Pete. Le 12 juillet 1962, elle donne sa toute dernière interview. Le journaliste du magazine Life, Richard Merriman, se rend chez elle au 12305 Fifth Helena Drive. Marilyn apparaît en pantalon jaune. Pendant l'entretien, elle se serre et se resserre du champagne. Elle finit ivre. Puisque cet article va concerner la célébrité, j'aimerais le dire ici. La célébrité est capricieuse, et je le sais. Ça, c'est bon côté, c'est vrai. Mais ça a aussi ses inconvénients. La gloire passe. Mais jusqu'ici, la gloire, je l'ai eue, et je l'ai encore. Elle peut s'en aller. J'ai toujours su qu'elle était inconstante. Je ne sais pas ce que ça va donner dans l'enregistrement, mais je sais ce que je veux dire. J'espère que ça va donner quelque chose. S'il vous plaît, ne me faites pas passer pour une idiote. Le samedi 4 août 1962, la température frôle les 30 degrés sur les hauteurs de Los Angeles. Il est 9h, Marilyn Monroe se lève pour la dernière fois. Ensommeillée sous les yeux de sa gouvernante Eunice Murray, elle se sert un jus de pamplemousse. Elle a mal dormi. Plus tard, c'est Agnès Flanagan, l'une de ses coiffeuses, qui frappe à la porte de la petite maison de Brentwood. Et elle découvre Marilyn épuisée. Pendant sa visite, un coursier sonne à la porte et donne un paquet à l'actrice. Marilyn l'ouvre et se rend en silence au bord de la piscine en serrant le paquet mystérieux contre sa poitrine. Personne ne sait ce que ce colis dissimule. À 16h30, elle appelle le docteur Grissom. Il la trouve déprimée et la pense sous l'emprise de médicaments. Elle en veut encore à son attaché de presse, Pat Newcombe, qui a osé se lever à midi, alors qu'elle souffre de troubles du sommeil. Grissom finit par se rendre chez elle. Marilyn s'apaise au bout de quelques heures. À 19h40, elle semble aller mieux. Son psy lui conseille d'aller se coucher et de s'offrir une bonne nuit réparatrice. Elle lui demande alors « Est-ce que vous m'avez pris mon flacon de Nabutal ?»« Non. » lui répond-il. À 20h, la nuit tombe. Marilyn prend le téléphone et ferme la porte de sa chambre. Elle n'en sort plus. Elle passe plusieurs coups de fil à un amant du Mexique, plus tard à son amie et comédienne Jean Garman. Tous la décrivent comme sous substance. Mais ce n'est pas le cas en permanence, depuis plusieurs mois. À 3h du matin, Eunice Murray dit apercevoir de la lumière sous la porte de la chambre de Marilyn. Le rapport de police de Los Angeles raconte la suite du témoignage de la gouvernante. Madame Eunice Murray remarqua une lumière dans la chambre de Miss Monroe. Madame Murray ne put réveiller Miss Monroe quand elle alla à sa porte, et lorsqu'elle essaya de nouveau d'ouvrir la porte à 3h30, après avoir remarqué que la lumière était toujours allumée, elle la trouva fermée à clé. Ensuite, Madame Murray alla observer Miss Monroe de la fenêtre de sa chambre et la vit à plat ventre sur le lit. Elle n'avait pas l'air normal. Madame Murray appela alors le psychiatre de Miss Monroe, le docteur Ralph Grinson. Sur place, Grinson brise la vitre de la chambre et il annonce à la gouvernante « On l'a perdue ». Arrivé dans la villa, le médecin généraliste de la Star appelle la police pour déclarer le décès. Il est 4h25. Un quart d'heure plus tard, Jack Clemens est le premier policier à entrer chez l'actrice. Il découvre le corps gisant dans son lit, à plat ventre sous les draps, le visage appuyé contre un oreiller, ses bras sur les côtés. Une ultime pause. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre et une foule s'agglutine devant la maison. À 7h30, des hommes de la police judiciaire emportent la dépouille de Marilyn, dissimulée sous une couverture bleue dans un vieux break, direction le dépôt mortuaire du cimetière de Westwood. Quelques journalistes parviennent à photographier le départ du brancard. Le corps de l'actrice est ensuite transporté à la morgue du palais de justice de Los Angeles. La nuit se passe entre les mains du médecin légiste, le docteur Noguchi. Le 8 août 62, le maquilleur de la diva défunte essaie de reconstituer l'enveloppe physique de Marilyn. Pour la dernière fois, il s'occupe de son teint, de ses ongles, dessine sa fameuse bouche. Face à la dépouille de l'idole, son coiffeur ne parvient pas à se ressaisir. Marilyn sera donc enterrée avec une perruque qu'elle portait dans les désaxés. Elle est vêtue d'une robe vert pâle. La cérémonie organisée par DiMaggio, son ex-mari, a lieu au cimetière de Westwood Memorial Park. La foule de curieux est maintenue à distance des funérailles privées que Joe DiMaggio et d'autres ont organisées pour Marilyn Monroe. Après un service dans la chapelle du cimetière de Westwood Memorial, où les oraisons funèbres et des passages des écritures ont été lus, le cercueil est placé dans un corbillard pour être emporté dans le couloir des mémoires. Seule sa demi-sœur, des travailleurs des studios de cinéma et des amis proches, parmi lesquels DiMaggio et son jeune fils, ont assisté à des funérailles dignes et simples, contrairement à de nombreux rites hollywoodiens. Des dernières prières ont été déposées dans la crypte. DiMaggio est fortement affecté alors que lui et les autres endeuillés partent et laissent ce qui reste de Marilyn Monroe à son ultime solitude. Et depuis cette nuit du 4 août, les théories s'entrechoquent. Pourquoi sa gouvernante dit avoir vu de la lumière sur le pas de la porte de la chambre alors qu'une moquette épaisse ne laissait filtrer aucune lumière, justement ? Comment se fait-il que le journaliste Anthony Summers ait obtenu le témoignage de 7 personnes affirmant que Marilyn serait morte dans une ambulance qui l'a transportée alors qu'elle était découverte dans le coma ? Et puis, qui est le mystérieux homme qui l'accompagnait ? Et enfin, pourquoi qu'une trace de gélule qu'aurait dû contenir le nimbutal n'a été retrouvée dans l'estomac de la défunte ? Et puis, où était Bobby Kennedy ce soir-là ? Bien sûr, la mort d'une icône est une machine à rumeurs, et les plus folles s'accumulent. Certains parleront d'un assassinat commandité par les Kennedy, par Fidel Castro ou par la mafia. En 82, l'enquête sur la mort de Marilyn Monroe est rouverte par le parquet de Los Angeles. Après le réexamen du dossier par un procureur, les conclusions restent les mêmes. Overdose et toujours ce suicide probable. Quelle était Norma Jean Baker ou Marilyn Monroe ? Les hommes ont toujours voulu posséder le corps de l'actrice. Les violences patriarcales ont jalonné son existence, que ce soit de la part de son psychiatre, de ses ex-époux, amants des manias d'industrie du cinéma et de Kennedy. Et si c'était cette vengeance masculine, adepte de la femme-objet, la vraie responsable de la chute et de la mort de l'icône ? I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you. So I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love. Spring and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one, and so I'm through with love. And so I'm through with, baby, I'm through. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la chute et la mort de Marilyn Monroe et nos deux invités, Céline Chassé et Raphaël Bayot. Bonjour Céline Chassé. Bonjour. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Bonjour Raphaël Bayot. Bonjour. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef adjointe de l'émission C'est médiatique sur France 5. Et vous avez co-réalisé, donc toutes les deux, le documentaire Marilyn, femme d'aujourd'hui, diffusé pour France TV l'été dernier, c'est tout, tout récent. Alors, on pense avoir fait le tour du mythe Marilyn, mais le mouvement MeToo offre un nouveau regard sur la carrière de cette actrice, sur cette icône. J'imagine que c'est pour ça que vous avez intitulé votre documentaire « Marilyn, une femme d'aujourd'hui ». Alors, ce qui se passe, c'est que depuis 60 ans que Marilyn Monroe... Ah, c'est Raphaël Bayot qui parle. Oui, oui, oui. Depuis 60 ans que Marilyn est morte, les biographes qui se sont emparés du mythe, les marilynologues, souvent des hommes d'ailleurs, ont choisi d'angler très souvent sur deux choses. D'abord, sa sexualité à l'écran, ce sexe symbole, cette apparition, cet effet spécial, tout en lumière, tout en blanc, qui crie la sexualité. Et puis, sa sexualité hors des écrans. On s'est beaucoup intéressé à ses amants, une collectionneuse. Il y a des biographes qui parlent de croqueuses d'hommes et qui vont parfois encore plus loin en parlant de maladies sexuelles, etc. Et puis, les biographes se sont aussi intéressés à un deuxième aspect de la vie de Marilyn, qui est sa fragilité psychologique, consommatrice de barbiturique, consommatrice d'alcool, cette désaxée, pour reprendre le titre d'un de ses films. Et tout ça crée l'image d'une Marilyn un peu victime, un peu tragique. Et ça s'explique aussi par la fin de sa vie que vous avez très bien décrite dans ce récit. En réalité, quand on s'est penché avec Céline Chassé sur la biographie de Marilyn, il y a autre chose aussi, même si tout cela est également vrai. Il y a autre chose, il y a une femme qui est en pleine volonté d'émancipation, qui s'empare de la culture, qui essaye de faire une carrière, qui travaille énormément, qui se bat contre le système hollywoodien et qui... Et tout cela fait d'elle une femme d'aujourd'hui, c'est le titre de notre film, sans parler de sa maîtrise absolue de son image. Mmh. Tous les photographes qui ont travaillé avec elle le disent. C'est elle qui regarde les pellicules après, qui sélectionne, qui barre quand elle n'en veut pas. C'est pas un agent, c'est pas un attaché de presse. Elle sait ce qu'elle fait, elle travaille, elle y arrive. Alors, vous avez parlé de maladies sexuelles, et concernant Kennedy, on disait à l'époque, oh, quel tombeur. tout est dit. Et d'ailleurs, on l'a dit tout au long du récit, Marilyn a été victime toute sa vie de violences patriarcale, et parmi elles, évoquons avec vous, Céline Chassé, par exemple, la scène de 7 ans de réflexion de la robe blanche dans le film de Billy Wilder en 55 et de ses coulisses. Peut-être avec vous, Raphaël ? Peut-être, si vous voulez. Alors, bon. 7 ans de réflexion, c'est une scène mythique de l'histoire du cinéma. Évidemment, sortie, bouche de métro, la robe qui s'envole, cette robe blanche. Marilyn était très souvent en blanc parce qu'il fallait capter la lumière, il fallait faire de l'ombre aux autres aussi. Et ce qui se passe, c'est que Billy Wilder fait 14 prises, mais il est en tournage en scène réelle à New York. Et la présence de Marilyn à l'angle de la 52e et de Lexington crée une émeute absolue. On parle de 5 000, 20 000 personnes qui sont là pour essayer d'apercevoir la culotte de Marilyn, puisque la robe s'envole. D'ailleurs, elle met deux culottes pour être sûre que rien de son intimité ne soit dévoilé. Le problème, c'est qu'elle est mariée depuis quelques mois avec Jody Madio, vous l'avez aussi raconté dans le récit. Sacré client, celui-là. Ouais, il est présent à New York. Un ami journaliste lui dit, mais attention, ta femme est en train de montrer sa culotte. J'exagère un petit peu, évidemment, je brosse à grands traits, mais ta femme est en train de montrer sa culotte à 5000 personnes dans New York. Donc il y va, et quand il arrive, il tombe malheureusement sur une interruption de tournage où Marilyn est en train de faire une séance photo pour la presse, où là, elle y va beaucoup plus franco que dans le film. D'ailleurs, quand on voit le film, bon, finalement, ça mange pas de pain, c'est pas si terrible que ça. Mm-hmm. Fureur de DiMaggio, qui lui pensait épouser quelques mois plus tôt quelqu'un avec qui il allait faire sa vie, des enfants, puis il se rend compte au fil des semaines qu'il a épousé un mythe et que c'est pas du tout ça, Marilyn, que ça va pas être le fantasme qu'il avait d'une femme qu'il allait pouvoir contrôler. On sait pas exactement ce qui se passe dans la nuit qui suit cette scène-là. Plusieurs témoins, mais on n'en est pas sûr, ont raconté que Marilyn avait été battue par Jody Maggio. Ce qui est certain, en revanche, c'est que 3 semaines plus tard, elle divorce et que dans les papiers officiels du divorce à Los Angeles, elle parle de cruauté mentale. Ouais. Donc on sait qu'il y avait cette emprise de Jody Maggio, qui d'ailleurs contrôlait ses scénarios, etc. En effet, toute sa vie, elle est entourée d'hommes qui avaient une volonté de contrôle, d'emprise sur Marilyn, mais elle se défend. On peut aussi parler de cette fameuse soirée, Céline Chassé, avec vous, anniversaire du président, non ? Toujours Raphaël. Et alors, cette scène, elle est apparue en première lecture comme tout à fait charmante, et en fait, elle est juste chargée de drame. C'est peut-être une des scènes les plus cruelles concernant Marilyn. Parce que d'abord, vous l'avez rappelé, évidemment, elle est ivre et elle a beaucoup travaillé sur son apparition. Elle est en train de tourner avec George Cukor. La Fox ne veut pas qu'elle aille à New York au Madison Square Garden. Il va quand même parce qu'elle a envie d'y aller. Elle crée son apparition comment ? Avec cette robe si mythique, mais qui est, quand on regarde en réalité les photos, par exemple, de la coulisse du moment, les rushs, c'est-à-dire les images filmées, sont très floues, donc on ne se rend pas vraiment compte. Quand on voit les photos derrière, c'est vraiment, elle est nue, habillée. C'est une apparition, encore une fois, sexuelle, et c'est surtout un cadeau. C'est Hollywood qui s'offre à la politique et qui s'offre à Kennedy, qui, lui, est en train aussi, il faut le rappeler, de récolter des sous. Le gala, c'est aussi des sous pour le Parti démocrate. Donc, il fait le truc classique des hommes politiques, c'est-à-dire faire venir une célébrité pour prendre un petit peu de la lumière et prendre de la sympathie auprès des Américains. Mmh. Elle fait sa chanson. D'ailleurs, elle change les paroles d'une autre chanson classique, c'est un rush qu'on connaît un peu moins, où elle salue le travail de Kennedy sur l'acier aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment de la com' politique pur jus. Mais le problème, c'est que quand on la présente, on dit, et on a entendu le son The Late Marilyn Monroe. C'est un jeu de mots. Elle est en retard. Late, en anglais, ça veut dire en retard. Mais Late Marilyn Monroe, ça veut aussi dire Feu Marilyn Monroe, qui est morte. On sait qu'elle va mourir quelques mois plus tard. Mais tout ça pour dire que Hollywood arrive dans l'univers du pouvoir politique. Le pouvoir politique se sert d'Hollywood, mais le pouvoir politique méprise Marilyn, tout en l'utilisant. Et elle est consentante. Céline Chassé, d'où vous est venue l'idée de ce documentaire ? Donc, votre intention éditoriale, parce qu'on avait fait tellement de choses sur Marilyn Monroe, c'était bien sa condition de femme à cette époque-là, on est bien d'accord ? On est bien d'accord, c'était la condition de femme de Marilyn Monroe dans les années 50-60, mais avec un reflet sur notre époque aujourd'hui, d'autant plus que plein de nouveaux éléments au fil des années et même dernièrement sont apparus sur Marilyn Monroe, entre autres ses écrits personnels qui étaient conservés par la veuve de son prof de théâtre, Lee Strasberg, à qui elle avait tout légué à sa mort. Et donc la veuve de Lee Strasberg avait conservé les écrits personnels de Marilyn Monroe. Et ça, c'est ressorti il y a quelques années, et c'est vrai que ça jette une lumière complètement différente sur le personnage de Marilyn Monroe, une lumière d'une femme, en effet, beaucoup plus combattante, ambitieuse, avec des soucis psychologiques aussi, mais une nouvelle lumière qui méritait d'être traitée aujourd'hui. Il y a là-dedans des poèmes très étonnants, très ciselés, très élégants. Elle parle de sa solitude, de son impossibilité à aimer, et c'est un aspect de Marilyn qu'on ne connaît pas bien, son intérêt absolu pour la culture. Quand elle commence à être une jeune actrice connue, elle va au cours du soir de UCLA, l'université de Los Angeles, pour apprendre l'histoire américaine, la littérature. Elle se passionnait pour Rodin, par exemple. Elle allait au musée voir des statues de Rodin. Elle lisait James Joyce. Elle essayait, en fait, finalement, peut-être de compenser son enfance sordide, où elle avait eu zéro accès à la culture. Et elle pensait profondément que la culture était une clé pour y arriver. Vous l'avez dit dans le récit, pour tenir la conversation avec les politiques, par exemple, avec les Kennedy. Elle prend des notes. Elle a toujours travaillé, Marilyn Monroe. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. Oui. C'est des heures de travail pour créer d'abord les œuvres d'art que sont ces films, mais pour créer sa plus grande œuvre d'art qui est elle-même, cet effet spécial, cette apparition. C'est des heures de travail. Créer un sourcil en accent circonflexe, épiler ses cheveux pour que son front apparaisse plus grand à l'écran. Par exemple, on a retrouvé ses chaussures dans des ventes aux enchères. Vous savez que les collectionneurs de Marilyn sont des fous. Il y a des gens qui sont capables de dépenser des centaines de dollars pour un tout petit morceau de tissu. Bon, on a retrouvé ses chaussures. Qu'est-ce qu'il y a sur les chaussures de Marilyn ? Il y a la chaussure gauche qui est systématiquement rabotée au niveau du talon. Pourquoi ? Parce qu'elle se crée volontairement une démarche chaloupée, une démarche sexuelle. Et avoir un pied plus bas que l'autre, eh ben on bouge différemment. Ah bon ? Eh ben voilà, je vous l'apprends, Fabrice. Ça paraît logique. Oui, mais voilà. C'est une création, en fait. C'est une autocréation. Et c'est elle qui s'est créée, personne d'autre. Alors, il y a peut-être justement toutes ces histoires et ces souffrances avec les hommes, son suicide à 36 ans. Est-ce que ça occulte quelque chose d'important qui était que Marilyn était une bonne actrice au cinéma, Céline Chassé? Oui, tout à fait. Alors, sa filmographie ne rend pas forcément justice, oui, en plus, à ses talents d'actrice, parce qu'elle a toujours été cataloguée dans les rôles de dame blonde, de blonde écervelée. Mais c'était une bonne actrice et c'était une femme qui a cherché à améliorer ses talents d'actrice tout au long de sa vie. Au point qu'en 1954, alors qu'elle est au top de sa carrière, qu'elle n'a pas besoin de chercher du travail, elle en a, elle quitte Los Angeles du jour au lendemain et elle prend un avion direction New York où elle s'inscrit au cours de l'Actor Studio, donc cette célèbre école d'acting à l'américaine qui va former Dustin Hoffman, De Niro, Pacino et tant d'autres. Mais qui est exigeante, hein, dès lors qu'il faut aller s'inventer quand on joue un rôle. Inventer la vie du personnage, émotionnellement, et l'incarner, très et la vie depuis qu'il est gosse, hein, jusqu'à l'âge adulte, c'est très, très exigeant. Exactement, et donc Marilyn Monroe se retrouve sur les bancs de cette école, donc la bimbo blonde d'Hollywood, entourée de camarades beaucoup plus intellectuels, on va dire, qui l'accueillent pas avec beaucoup de sympathie non plus. Non, pas du tout, et malgré tout, elle va impressionner tout le monde, parce qu'elle est studieuse, elle est impliquée, et elle va faire la connaissance du professeur qui va un peu changer aussi sa carrière, c'est Lee Strasberg, le fondateur de la méthode Actor Studio, et qui va la suivre ensuite sur tous ses films. Il faut bien voir autre chose, c'est qu'à l'époque, les acteurs et les actrices n'ont aucun droit de regard sur les scénarios. Ils sont sous contrat. Bon, Marilyn est sous contrat à la Fox, et on lui propose toujours le même scénario. Comment épouser un millionnaire où les hommes préfèrent les blondes? C'est la même histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire de femmes qui veulent absolument épouser un homme riche. Bon, c'est pas très épanouissant d'un point de vue scénaristique, mais elle arrive à faire son mail parce que c'est une bonne actrice. Vous avez passé tout à l'heure des extraits sonores de ses chansons. On parle peu de Marilyn chanteuse, mais ah oui, réécouter La Rivière sans retour, comme vous l'avez proposé aux auditeurs tout à l'heure, elle sait chanter. Pourquoi ? Parce qu'elle a travaillé, elle a pris des cours de diction, elle a pris des cours de musique. Et c'est pareil pour son acting, enfin, sa manière de jouer face caméra, elle travaille tout le temps. Ravissante idiote, qui a trouvé ce truc idiot ? C'est les médias, c'est qui ? On sait, non ? Ce serait la traduction idéale de Dumb Blonde. Dumb Blonde, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu elle aussi qui s'est créée comme ça et qui a trouvé le succès en jouant ce personnage-là. Après, ça l'a enfermée, évidemment. Ça a été un peu sa tragédie. C'est que quand elle a voulu changer de registre, on ne lui a pas donné la possibilité. Jamais la Fox, jamais Daryl Zanuck, le patron de la Fox, ne lui proposera autre chose que ce genre de registre. Et il y a quand même quelque chose d'autre qu'il faut souligner dans la gestion de sa carrière. Quand elle commence à la Fox, elle est sous contrat, c'est 75 $, si ma mémoire est bonne, par semaine. Pas grand-chose. Elle a décrit, elle l'a dit qu'elle avait eu faim dans sa vie, hein, Marilyn Monroe. Qu'il y a des jours, elle ne mangeait pas à sa faim. Mais à force de se battre, à force de refuser, à des moments de jouer dans des films quand on lui propose des choses vraiment pas possibles, elle finit par négocier un contrat ahurissant à 100 000 $ par film, où elle donne une liste des 10 réalisateurs avec lesquels elle accepte de travailler. Et dans ce contrat, il y a écrit qu'elle a un droit de regard sur les scénarios. Elle va même, à un moment dans sa vie, en 1957, créer sa propre société de production, Marilyn Monroe. Ce qui est inédit production. À l'époque. C'est tout à fait inédit. Elle est associée avec un homme qui est photographe, un de ses amis. Mais n'empêche qu'elle crée sa boîte de prod. Et elle fait venir Laurence Olivier dans le premier film qu'elle fait en tant que productrice. Évidemment, elle joue dedans, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc je résume. On a une artiste complète, une bonne actrice, une bonne chanteuse, une femme intelligente, hein, une femme courageuse et victime des hommes. Dans votre documentaire, Leïla Slimani est interviewée. Elle dit que Marilyn a balancé son porc avant l'heure. Bon, vous êtes d'accord, j'imagine, et si oui, pourquoi? Céline ou Raphaël, une des deux? Céline, moins entendu que Raphaël. Oui, donc en effet, elle balance son porc avant l'heure, puisque elle va donner une interview dans un magazine spécialisé pour le cinéma, dans lequel elle dénonce plusieurs agressions sexuelles tout au long de sa carrière, dont une assez violente, avec un producteur qui l'aurait coincé dans une pièce, il se serait littéralement jeté sur elle. Et elle raconte tout ça pour dire à toutes ces jeunes actrices qui passent après elle, attention, il y a des risques dans ce métier-là, il ne faut pas tout accepter. Alors, voilà, ce sera le mot de la fin, pardon. Hein. Il est presque 59, dans une minute on doit rendre l'antenne. Merci en tout cas infiniment à Raphaël, à vous, à Raphaël Bayot et Céline Chassé. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Et Affaires Sensibles, aujourd'hui Marilyn Monroe, clap de fin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël. On va aller vite parce qu'on court un peu après le temps aujourd'hui, pardonnez-moi. Eh oui Fabrice, alors aujourd'hui je ferai court. Vous connaissez l'astrobiologie? Oui. Eh ben restez avec nous pour en savoir encore plus, parce qu'à mon avis vous connaissez pas tout Fabrice. Ok, à tout de suite après le flash de 16h.